Chaque journée qui passe me dit comme c'est étrange que j'ai capturé mon gardien ange. Complètement par hasard, j'ai piégé la belle qui est persuadée que je suis né pour elle. Elle est ma moitié, le trésor enterré sous mes rêves d'ado et même un peu de moi-même. Elle est ma moitié, le trésor enterré sous mes rêves d'ado et même un peu de moi-même. Il paraît qu'elle m'aime. Il paraît qu'elle m'aime. Elles sont aussi belles que des lendemains, les nuits engluées à ses reins. Tous les hommes de la terre vendraient leurs femelles pour être à ma place une heure en elle. Elle est ma moitié, le trésor enterré sous mes rêves d'ado et même un peu de moi-même. Elle est ma moitié, le trésor enterré sous mes rêves d'ado et même un peu de moi-même. Il paraît qu'elle m'aime. Il paraît qu'elle m'aime. Pincer tout au long du jour, c'est bizarre mais rien ne bouge autour. Je constate alors que la réalité est meilleure quand on est éveillé. Elle est ma moitié, le trésor enterré sous mes rêves d'ado et même un peu de moi-même. Elle est ma moitié, le trésor enterré sous mes rêves d'ado et même un peu de moi-même. Il paraît qu'elle m'aime, il paraît.